premier sort. La même quête qu'une cible m'obsède. Comme une balle perdue dans le temps. Snap.

A pinprick on a paper continent. The place.